الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Continue traduction du livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام un livre de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi et une explication de Sheikh Abdullah al-Bassam رحم الله الجميع. La semaine dernière, on avait expliqué combien de hadiths ? Trois. Le premier hadith était le hadith d'Abu Qatada al-Ansari, radiyallahu ta'ala anhu, qui se propose pour le réciter. Naam, afwan. Naam, on avait entamé le chapitre de la lecture. Le chapitre de la lecture dans la prière. Donc le hadith 94, qui est le hadith de Ubada ibn Samit radiallahu anhu. Il y a plein de mains qui vont se lever. Qui se propose ? Personne ? Mohamed ? Obligé, tu l'as pris ce hadith. Hmm ? La salata. Qui se propose ? Faddal Bachir. Anna Rasoul Allah. Anna Rasoul Allah. Anna Rasoul Allah. La salata lima lam yaqra bi fatiha fi kitab. Naam, ahsant, barakallahu fik. Bukhari wa Muslim. C'est dans le livre que j'ai, il n'y a pas de... Oui, mais avant tout, ils ont été rapportés par le Bukhari et Muslim. C'est le hadith 756 de Bukhari et 394 de Muslim. Dans ce livre, Umdat al-Ahkam, soit les hadiths sont rapportés par le Bukhari et Muslim, soit par l'un ou l'autre. Non. C'est l'avantage de ce livre, ceux qui connaissent les hadiths par cœur, à partir du moment où ils savent qu'ils sont dans Amdat al-Ahkam, ils savent qu'ils sont soit rapportés par al-Bukhari ou Muslim, ou soit par les deux. Non. Le 95e hadith, le hadith d'Abu Qatada al-Ansari, qui se propose Abu Ahmed. Qui se propose ? Saïd ? Avec des absents. Hafid ? Taïb Bachir Tandar. An Abi Qatada al-Ansari radiallahu anhu. Qala samiatu Rasulullah. Qala anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yaqra'u. الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الرقعتين الأخريين بأم الكتاب وكان يطول في الرقعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية ويقصر الثانية. البخاري ومسلم. بارك الله فيك. Et le 96e hadith, le hadith de Joubar ibn Mut'im, l'Aziz. Mounir. بالطور. نعم أحسنت بارك الله فيك. حديث رواه البخاري ومسلم. طيب الحديث 97 Le 97e hadith. عن البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بوالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه رواه البخاري ومسلم. Le 97e hadith, selon le Bara ibn Azib, radiyallahu anhuma, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage. Il a prié al-Isha et a lu dans une des deux raka'at surat al-Tin. Il a lu wa-Tin et wa-Zaytoun. Et je n'ai jamais entendu une personne ayant une voix plus belle ou une lecture que lui. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-ma'na al-ijmali. Suratu al-Tin min qisar al-mufassal. Allati tuqra'u fi salat al-maghrib. Wa qad qara'a biha al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi salat al-isha'. Lianahu kana fi safar. Wa safaru yura'a fihi al-takhfif. والتسهيل لمشقته وعنائه ولهذا استحب فيه قصر الصلاة الرباعية ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا فإنه لم يترك ما يبعث على الخشوع وإحضار القلب على سماع القرآن وهو تحسين الصوت في قراءة الصلاة. Le sens général du hadith. سورة التين fait partie des قصار المفصل. Qisar al-Mufassal, on avait dit que c'était de Duha jusqu'à An-Nas. Que le prophète, le surat al-Tin fait partie des surats appelées Qisar al-Mufassal, qui habituellement sont lues pendant la prière de l'Maghrib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lu pendant la prière de l'Isha, car il était en voyage. Et en voyage, il est demandé d'alléger et de faciliter, car le voyage est une contrainte et est une source de fatigue. C'est pour cela qu'il est préférable de raccourcir les prières de composer de 4 raka'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il soit voyageur, il n'a pas délaissé ce qui apporte et ce qui suscite la concentration et l'humilité dans la prière. Et ce qui fait en sorte que le cœur soit présent à l'écoute du Coran, ceci en embellissant sa voix pendant sa lecture de la prière. ما يؤخذ من الحديث, ce que l'on retient du hadith. أولا جواز قراءة قصار المفصل في صلاة العشاء. Premièrement, l'autorisation de lire les sourates appelées قصار المفصل, c'est-à-dire de الضحى jusqu'à الناس, pendant la prière de l'عشاء. Et pendant la prière de l'عشاء, qu'est-ce qui est lu normalement, de façon habituelle? متوسط المفصل. Mutawassit al-Mufassal, les sourates qui sont considérées comme al-Mutawassit, les médianes de al-Mufassal. Et ceci, on le verra dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de lire wa-shamsi wa-duhaha et wa-layli idha yaghsha. ثانيا إن الأحسن تخفيف الصلاة في السفر ومراعاة حال المسافرين ولو كان عند الإمام رغبة في التطويل. Deuxièmement, que le mieux est d'alléger la prière pendant le voyage et de prendre en compte la situation des voyageurs, même si l'imam a une envie et un désir d'allonger la prière. ثالثا استحباب تحسين الصوت في القراءة ولو في الصلاة لأنه يبعث على الخشوع والحضور. Troisièmement, il est recommandé d'embellir sa voix dans la lecture, même pendant la prière, car ceci apporte la concentration et la présence du cœur. الحديث الثامن والتسعون عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال إنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه رواه البخاري ومسلم. Le 98e hadith, qui est le hadith d'Aïcha رضي الله عنها, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un homme, c'est-à-dire comme à la tête d'une petite armée. Hamukallah. Et il lisait, lorsqu'il présidait la prière, il terminait sa prière par la lecture de Qul huwallahu ahad. Et lorsqu'ils sont revenus, c'est-à-dire lorsque cette armée est revenue, ils ont rapporté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, demandez-lui pour quelle raison il faisait cela. Ils l'ont questionné et il a dit, car c'est un attribut du tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Et j'aime citer et j'aime la lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, informez-le qu'Allah l'aime. رواه البخاري ومسلم. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على سرية، ومن عادة الأمراء أنهم هم الأئمة في الصلاة والمفتون لفضل علمهم ودينهم، فكان يقرأ قل هو الله أحد في الركعة الثانية من كل صلاة. فلما رجعوا من غزوتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، أهو لمحض المصادفة أم لشيء من الدعاوي؟ فقال الأمير صنعت ذلك لاشتمالها على صفة الرحمن، فأنا أحب تكريرها لذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه كما كرر هذه السورة لمحبته لصفة الرحمن فإن الله يحبه ويا لها من فضيلة. Le sens général du hadith. Le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné certains de ses compagnons de partir dans une bataille. Et As-Sariya, savons, on dit que c'est une expédition dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne participe pas. Et il différencie, et c'est l'une des différences entre Al-Ghazwa et As-Sariya. Al-Ghazwa, c'est l'expédition militaire dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé, même s'il n'a pas combattu. Et As-Sariya, c'est des expéditions dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas participé et n'a pas assisté également. Et il était pour habitude que les chefs d'armée ou d'expédition étaient eux les imams, et que c'était eux qui devaient répondre aux questions, car c'était eux qui avaient le plus de science et qui étaient plus droits dans leur religion. Et ce chef lisait قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ dans la deuxième raka'at de chaque prière. Et lorsque les compagnons, radiallahu anhum, sont revenus de cette expédition, ils sont venus voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui ont cité ce fait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, demandez-lui pourquoi il a fait cela. Est-ce une coïncidence ou est-ce qu'il y a une raison particulière? Faqala al-Amir, l'émir a dit, c'est-à-dire ce commandant de guerre et ce chef de l'armée, de cette expédition, a dit, je fais cela, c'est-à-dire je lis Qul huwallahu ahad dans la deuxième rak'at de chaque prière, car elle englobe l'attribut du tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Et j'aime la répéter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, informez-le que comme il aime répéter cette sourate, parce qu'il aime l'attribut d'Allah, le tout miséricordieux, et bien qu'Allah l'aime et quel grand mérite. Ma yukhadu min al-hadith. أولا جواز قراءة قصار المفصل حتى في غير صلاة المغرب من الفرائض. Premièrement, ce que l'on retient du hadith, c'est l'autorisation de lire les sourates qui font partie de قصار المفصل, même dans les prières autres que المغرب parmi les prières obligatoires. ثانيا فضل سورة الإخلاص واستحباب قراءتها. Deuxièmement, les mérites de Sourate Al-Ikhlas et le fait qu'il est recommandé de la lire. ثالثا, إن تفضيل بعض القرآن على بعض عائد لما يحتوي عليه المفضل من تمجيد الله والثناء عليه. فهذه السورة الكريمة الجليلة تشمل توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية للشرك والصمدية المثبتة لله جميع صفات الكمال ونفي الوالد والولد الذي هو من لوازم غناه ونفي الكفء المتضمن نفي المتشابه والمماثل والنظير ولهذا فهي تعدل ثلث القرآن. Troisièmement, que le mérite du Coran par rapport au Coran, c'est-à-dire de Sourate par rapport à d'autres, revient à ce que comporte et ce que contient cette Sourate comme glorification et éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette Sourate, qui est Sourate al-Ikhlas, englobe l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui doit être fait vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal concernant l'unicité. Qul huwa Allahu ahad, dit Allah est l'unique, c'est-à-dire l'unique dans la création, l'unique dans le commandement, l'unique dans la pourvoyance, mais aussi l'unique dans l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Was-samadiyyah al-muthbita lillah ta'ala. Également, cette sourate comporte As-samadiyyah. Qul huwa Allahu ahad, dit Allah est l'unique, Allahu samad. Et as-samad, comme l'a défini Cheikh Abdul Razak al-Abbad dans son livre Fiqhul Asma al-Husna, la compréhension des noms sublimes, il a dit was-samadu ma'nahu as-sayyid al-azim alladhi qad kamula fi 'ilmihi وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته. الصمد signifie le maître suprême qui est parfait dans sa science, dans sa sagesse, dans sa douceur, dans sa capacité, dans sa puissance, dans son immensité et dans l'ensemble de ses attributs. Ainsi, le fait de dire Allahu Samad, tu attestes à Allah l'ensemble des attributs parfaits. Et cette sourate nie à Allah subhanahu wa ta'ala l'enfant et les parents. Et ceci est la conséquence directe de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa richesse. Il n'a nul besoin d'enfants ni de parents. Et également, dans cette sourate, il y a la négation et le refus de tout toute chose qui pourrait être similaire, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'égal. Pour cela, que cette sourate équivaut au tiers du Coran. Pour cela que cette sourate équivaut au tiers du Coran. Rabi'an, inna al-a'mala yuktabu thawabuha bisababi ma yusahibuha min niyatin salihah. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن القصد من تكريرها. Quatrièmement, la récompense des actes dépend de l'intention sincère de celui qui l'accomplit. Car le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné qu'on demande sur la raison de cette répétition. Si le professeur Hassan a ordonné qu'on lui pose cette question sur pourquoi, quelle était son intention dans le fait de répéter Surat al-Ikhlas dans la deuxième raka'a de chaque prière, c'est que l'intention a un impact dans la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à son serviteur. Khamisan, innahu yanbaghi أن يكون أصحاب الولايات والقيادات من أهل العلم والفضل والدين. Cinquièmement, il est demandé que ceux qui ont un pouvoir ou un commandement, il est demandé qu'ils fassent partie des gens de science, des gens qui ont des mérites et des gens qui sont droits dans leur religion. Sadisan, إنه من أحب صفات الله وتذوق حلاوة مناجاته بها فالله يحبه لأن الجزاء من جنس العمل. Sixièmement, que celui qui aime les attributs d'Allah et qui goûte à la douceur de se remémorer et de méditer Allah et de méditer les attributs d'Allah, eh bien, cela amène l'amour d'Allah. Et Allah Azza wa Jal aime cette personne. لأن الجزاء من جنس العمل. Car la récompense est proportionnelle à l'acte. سابعا, إن إخبار الوالي الأكبر عن أعمال الأمراء والعمال لقصد الإصلاح لا يعد وَشَايَةً وَلَا نَمِيمَةً. Septièmement, le fait d'informer le grand gouverneur sur les actions que font ses émissaires ou ses fonctionnaires dans le but de restaurer dans un intérêt que cela n'est pas considéré comme de la calomnie ni comme de la médisance. Car les compagnons du professeur Hassan qui sont revenus et ont posé cette question au professeur Hassan, était-ce pour rabaisser leur commandant ou pour lui porter atteinte ou pour parler derrière son dos, ou était-ce pour connaître le jugement de ce fait? Est-ce que cela est autorisé ou est-ce que cela n'est pas autorisé? Dans le but, il y a dans cela un intérêt qui est apparent. C'est clair ou pas? Al-Hadith al-Tasi'u al-Tis'un, le 99e Hadith. An Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qala li Mu'adh, falawla sallayta bisabbih isma rabbika la'ala, wal-shamsi wa duhaha, wal-layli idha yaghsha, فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. رواه البخاري. Le 99e hadith, selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad, si seulement tu avais prié par سبح اسم ربك الأعلى et والشمس وضحاها et والليل إذا يغشى, car pris derrière toi le grand, le faible et celui qui a des affaires. Rawahu al-Bukhari. Le sens général, al-ma'na al-ijmali, لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذا يطيل القراءة حين يؤم قومه أرشده إلى التخفيف ما دام إماما وضرب له مثلا بقراءة متوسط المفصل سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى لأنه يأتم به الكبار المسنون والضعفاء وأصحاب الحاجات ممن يشق عليهم التطويل فيحسن الرفق بهم وتستحب مراعاتهم بالتخفيف أما إذا كان المرء المسلم يصلي وحده فله أن يطول ما يشاء. Le sens général du hadith, lorsqu'il est parvenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Mu'ad radiallahu anhu allongeait sa lecture lorsqu'il présidait la prière, il lui a conseillé et il l'a dirigé à alléger sa prière tant qu'il est imam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné des exemples de sourates à lire qui font partie de Mutawassitul Mufassal. Des sourates qui font partie de Mutawassit al-Mufassal qui sont de Amma jusqu'à Ad-Duha. Et les exemples donnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont Sabbih ism Rabbik al-A'la, Al-Shamsi wa Duhaha, et Wal-Layli idha yaghsha. Car pris derrière lui des personnes âgées, des personnes faibles, et des personnes qui ont des affaires, qui ont des choses à accomplir, et le fait d'allonger la prière est une contrainte pour eux. Ainsi, il est préférable et demandé d'être doux avec eux et de prendre en compte leur situation. Quant à la personne qui prie seule, quant au musulman qui prie seul, alors dans ce cas, il peut allonger la prière autant qu'il le désire. Al-ahkam al-ma'khudhatu min al-hadith. Les jugements à retenir du hadith. Awalan, inna al-mutawassit fil qira'ati fis salati هذه الصور المذكورة في الحديث وأمثالها. Premièrement, que la lecture du juste milieu dans la prière sont de lire les sourates qui ont été citées dans ce hadith et les sourates similaires. Comment savoir que tu as accompli une prière qui est dans sa lecture dans le juste milieu, qui n'est pas courte et qui n'est pas longue. C'est ce qui te permet, ou ce qui doit permettre aux musulmans de différencier cela, est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que l'on retient de ce hadith, c'est qu'on reconnaît une prière du juste milieu dans sa lecture pour celui qui lit les sourates qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des sourates similaires. Car si on ne prenait pas cela en considération, il n'y aurait pas de limite bien définie, car les gens sont différents. Pour toi, la prière d'un tel peut être longue, alors que pour lui, elle est moyenne. Pour l'autre, elle est courte, etc., etc. Ainsi, on ne doit pas suivre l'appréciation des gens, mais on doit suivre l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ainsi, si quelqu'un te reproche, par exemple, dans Salat al-Isha, d'avoir lu Sabbih isma Rabbika al-A'la et Hal ataka hadithul ghashiyah, non, c'est trop long, qu'est-ce que tu nous as fait? Écoute, il a dit au professeur, à Mu'ad, en lui faisant le reproche d'être trop long dans sa prière, il lui a dit de lire Sabbih isma Rabbika al-A'la, de lire Washemsi wa Duhaha. Pourquoi tu me dis que moi, dans la prière que je viens d'accomplir, j'étais trop long? Donc, c'est ce qui permet de couper court à toute polémique. ثانياً, إنه يستحب للإمام مراعاة الضعفاء بتخفيف الصلاة في حال ائتمامهم به. Deuxièmement, qu'il est demandé à l'imam de prendre en considération la situation des faibles en allégeant sa prière lorsqu'il est imam. Lorsqu'il préside la prière. ثالثا إن سياسة الناس بالرفق واللين هي السياسة الرشيدة التي تحبب إليهم ولاتهم وعمالهم. Troisièmement, la politique qui gère les gens doit être une politique basée sur la douceur et la gentillesse. C'est la politique qui amène à des buts sains et qui permet aux gens d'aimer leurs gouverneurs et ceux qui sont au service et ceux qui sont à leur service parmi les fonctionnaires. رابعا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته إذ خاطب معادا بصيغة العرض. Quatrièmement, que le prophète صلى الله عليه وسلم avait la façon la plus parfaite d'enseigner, et le prophète صلى الله عليه وسلم était doux dans son enseignement lorsqu'il a parlé à Mu'ad, en utilisant Sirat al-Ard, lorsqu'il lui a dit, Falaoula sallait, si seulement tu avais prié avec Sabbih isma rabbika al-A'la, etc. Le Prophète ne lui a pas dit, pourquoi est-ce que tu as prié avec telle surah. Non, il lui a dit, si seulement tu avais prié en lisant Sabbih. Donc le Prophète lui a expliqué, en lui donnant ou en lui expliquant ce qu'il doit faire et non pas en lui faisant une réprimande sur ce qu'il a fait. خامساً رأفته صلى الله عليه وسلم بأمته لا سيما الضعفاء منهم وأصحاب الحاجات. Cinquièmement, la douceur du prophète صلى الله عليه وسلم envers sa communauté et sa compassion envers sa communauté, plus particulièrement les faibles parmi eux et ceux qui ont des affaires. Al-Hadith al-Mi'ah. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu, an al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa Aba Bakr wa Umar radiyallahu anhuma kanu yiftatihun as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayatin, صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. رواه مسلم. Le centième hadith. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'Abu Bakr, ainsi que Omar radiyallahu anhuma, commençaient leur prière en lisant Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Rapporté par Al-Bukhari. Et dans une version, j'ai prié avec Abu Bakr et Omar et Uthman, et je n'ai entendu personne d'entre eux lire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, rapporté par Muslim. Et dans une autre version de Muslim, j'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'Abu Bakr, c'est-à-dire j'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et derrière Abu Bakr et Omar et Uthman radiyallahu anhum, et ils commençaient leur prière par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ils ne disaient pas Bismillahir Rahmanir Rahim, ni au début de la lecture, ni à la fin de celle-ci. Al-Ma'na al-Ijmali. Yadhkuru Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu ma'a tuli suhbatihi lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam وملازمته له ولخلفائه الراشدين لم يسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة لا في أول القراءة ولا في آخرها وإنما يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. Le sens général du hadith, Anas ibn Malik رضي الله عنه rapporte que malgré qu'avec sa longue compagnie, aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il les côtoyait, ainsi que ses califes bien guidés, il n'a entendu personne d'eux lire Bismillahirrahmanirrahim pendant la prière, ni au début de la prière, ni au début de la lecture, ni à la fin de celle-ci, mais ils commençaient leur prière par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et Anas ibn Malik radiallahu anhu est l'un des compagnons les plus placés pour dire ce genre de paroles, car il a vécu longtemps radiallahu anhu. Il a vécu plus de 100 ans et il a même enterré certains de ses arrière-petits-enfants radiallahu ta'ala anhu, et ceci grâce à l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a invoqué pour qu'il vive longtemps, pour qu'il soit riche et pour qu'il ait beaucoup d'enfants. اختلاف العلماء, la divergence des savants. ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى استحباب البسملة في الصلاة وذهب الإمام مالك إلى عدم مشروعيتها. La divergence des savants. Les savants, les trois imams, Abu Hanifa, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, sont de l'avis qu'il est préférable de dire al-basmala pendant la prière. Et l'imam Malik, rahimahullah, lui dit qu'il n'est pas légiféré de dire bismillahirrahmanirrahim. Ici, on ne parle pas de la dire à voix haute ou pas. On parle de dire bismillahirrahmanirrahim. Le fait de le dire à voix basse ou de le dire de façon générale pendant la prière est recommandé pour l'imam Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmed, et cela n'est pas légiféré pour l'imam Malik rahimahullah wa radiyallahu anhu. واستدل مالك ببعض الروايات في حديث أنس لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها ولأنها عنده ليست آية من القرآن. Et la preuve de l'imam Malik est certaines versions du hadith de Anas dans lequel il a dit il ne disait pas بسم الله الرحمن الرحيم ni au début de la prière, ni à la fin de celle-ci, et également ce que l'imam Malik a apporté comme preuve, et que al-basmalah ne fait pas partie du Coran. De dire bismillahirrahmanirrahim ne fait pas partie du Coran, et en l'occurrence ici, il parle de al-fatiha, parce qu'il y a à part d'Allah Azza wa Jal, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans Surat Al-Naml. واستدل الأئمة الثلاثة على مشروعيتها بأحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة حيث صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الضالين حتى إذا أتم الصلاة قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et la preuve des autres imams sur le fait qu'il est légiféré de dire bismillahirrahmanirrahim sont de nombreux hadiths. Parmi ces hadiths, le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, lorsqu'il a prié et il a lu bismillahirrahmanirrahim jusqu'à arriver waladdallin, et lorsqu'il a terminé la prière, il a dit je suis parmi vous celui qui ressemble plus, ou celui qui prie une prière qui ressemble plus à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari dans son sahih. ثم اختلف الأئمة في الحكم بالجهر بها فذهب إلى مشروعيته الإمام الشافعي وذهب إلى مشروعية الإسرار أبو حنيفة وأحمد واستدل الشافعي وأتباعه بحديث أنس حيث سئل حين سئل عن كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم بمد بسم الله وبمد الرحمن وبمد الرحيم رواه البخاري. وبحديث أم سلمة حين سئلت عن قراءته أيضا فقالت كان يقطع قراءته آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رواه أحمد وأبو داود. Et les savants ont divergé sur le jugement de prononcer al-basmala à voix haute. Al-Imam Shafi'i, rahimahullah, considère que cela est légiféré. Quant à l'imam Abu Hanifa et à l'imam Ahmed, ils sont de l'avis qu'il est légiféré de la dire à voix basse uniquement. La preuve de l'imam Shafi'i et de ceux qui l'ont suivi est le hadith de Anas, radiallahu anhu, lorsqu'il a été questionné sur la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « kanat madda », c'est-à-dire qu'il la prolongeait. Puis il a lu « bismillahirrahmanirrahim » en allongeant « bismillah »« bismillahirrahmanirrahim » rawahu al-Bukhari. Et la preuve également est le hadith de Umm Salamah, lorsqu'elle a été questionnée sur la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit « كان يقطع قراءته آية. Il lisait en s'arrêtant à chaque verset. Il lisait بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Hadith rapporté par l'imam Ahmed et Abu Daoud dans ses Sunan. ولا يتم للشافعي بهذين الحديثين وأمثالهما استدلال فيما ذهب إليه فإنهما يدلان على صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لا على أن يجهر بالبسملة في الصلاة. قال شيخ الإسلام روينا عن الدارقطني أنه قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالبسملة حديث. اي الشيخ البسام دي ك les deux hadiths cités par l'imam الشافعي et les autres hadiths similaires ne sont pas une preuve de son avis. Quel est l'avis de l'imam Shafi'i? De réciter al-basmala à voix haute. Car ces deux hadiths expliquent et sont une preuve sur la façon avec laquelle lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la façon par laquelle lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non est-ce qu'il lisait al-basmala à voix haute pendant la prière? Est-ce que dans le hadith qu'a cité l'imam Shafi'i, il y est fait allusion de lire al-basmala à voix haute ou à voix basse? Non. Dans le hadith de Anas, c'est al-mad, fait de prolonger. Et dans le hadith de Umm Salama, il y a été cité le fait de lire verset par verset. Mais dans aucun de ces deux hadiths, il n'y a été fait allusion de lire à voix haute ou de lire à voix basse. Et Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah dit, et il nous a été rapporté, d'après l'imam ad-Dawraqutni, qu'il a dit, il n'y a aucun hadith authentique, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le fait de lire al-basmalah à voix haute. Wa istadalla al-imaman Abu Hanifa wa Ahmad بأحاديث الباب. قال ابن دقيق العيد والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر فأنس صحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وصحب الخلفاء الثلاثة 25 سنة وكان يصلي خلفهم الصلوات كلها ويحملون نفي القراءة في بعض الروايات على عدم الجهر بها وبهذا تجتمع الأدلة ويحصل العمل بها جميعا. Et la preuve des deux imams, Abu Hanifa et l'imam Ahmed, rahimahumallah, la preuve est le hadith que l'on étudie actuellement. L'imam Nudaqiq al-Aid, rahimahullah, dit, et ce qui est sûr, c'est que dans ce hadith, il y a la preuve que la basmala ne doit pas être prononcée à voix haute. Car Anas, radiallahu anhu, a côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 ans. Et il a côtoyé les 3 califes 25 ans. Et il priait derrière eux l'ensemble des prières. ويحملون النفي نفي القراءة في بعض الروايات على عدم الجهر بها. Et le fait que dans certaines versions il a été nié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait, ou que ces trois califes lisaient al-basmala, cela est expliqué par le fait qu'il ne la disait pas à voix haute. Et cela répond au hadith qu'a utilisé l'imam Malik rahimahullah dans la version du hadith de Anas. Il ne citait pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ni au début de la lecture ni à la fin. Il ne citait pas, c'est-à-dire à voix haute. Et ainsi, l'ensemble des preuves peuvent être rassemblées et nous pouvons mettre en pratique chacun de ces hadiths. Ma yu'khadhu min al-ahkam. Qu'est-ce que l'on retient comme jugement ? أولاً مشروعية قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بعد الاستفتاح والتعوذ قبل الفاتحة. Premièrement, ce que l'on retient du hadith, c'est qu'il est légiféré de lire بسم الله الرحمن الرحيم après l'invocation d'ouverture, après la demande de protection, de dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, et avant la lecture de الفاتحة. ثانيا أن تكون قراءتها سرا ولو في الصلاة الجهرية. Deuxièmement, que al-basmala doit être lu à voix basse même pendant les prières qui sont accomplies à voix haute. ثالثا أن البسملة ليست آية من الفاتحة. Et troisièmement, que al-basmala n'est pas un verset de al-fatiha. Pourquoi? Car si c'était un verset de l'Fatiha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons l'auraient récité à voix haute comme le reste des versets de Surat al-Fatiha. Et ceci est une preuve des savants qui sont de l'avis que al-Basmala n'est pas un verset de Surat al-Fatiha. Wa naktafi bihada al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.